إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله هناكم خصلة نكراء وكبيرة عظمى ذات شر ومدعاة للشر متوعد فاعلوها بالعار والنار وبئس القرار متوعد فاعلوها بالطرد والإبعاد من مظان الرحمة ومواقعها حتى في أحلك ظروفهم وشدة حاجتهم إلى اللطف الذي وعد به تعالى خاصة عباده في قوله تعالى الله لطيف بعباده ألا وهو الكذب قال تعالى في المبتهلين ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال عن المتلاعنين أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقال قتل الخراصون أي الكذابون أو الكاذبون وقال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال عليه الصلاة والسلام إن الكذب وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه الشيخان وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ومن هذه الخصال خصال المنافق أو آيات المنافق أنه إذا حدث كذب رواه مسلم والكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه وأشر الكذب وأخطره وكله شر وخطر الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فمن أظلم ممن كذب على الله أي لا أحد أظلم وقال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه مسلم وغيره وقال من حدث عني بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين ومن الكذب على الله وعلى رسوله القول على الله أو على رسوله بلا علم كمن يقول هذا الأمر حرام أو هذا الأمر حلال وهذا الأمر مشروع وهذا الأمر ممنوع وهذا الأمر سنة وهذا الأمر بدعة ولا دليل لديه وعلى ذلك يعني لا دليل عليه على ذلك من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ومن الكذب على الله وعلى رسوله الكذب على العلماء بالنظر لأنهم مؤتمنون على شرع الله ومبينون لمراد الله من كلامه ولمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كمن يقول عنهم أو عن أحدهم قال العالم الفلاني كذا أو أفتى العالم الفلاني كذا بكذا ولا برهان لديه في ذلك، سواء قال ذلك من أجل الحكم نفسه أو من أجل تنقص العالم به، والكل شر ولا خير، يعني ولا خير. ومن الكذب الأشد قبحا والأعظم إثما الكذب المتوصل به إلى ارتكاب محرم أو تخلص من واجب. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان، رواه مسلم. ومن الكذب الأشد قبحا والأعظم إثما الكذب ممن لم يضطر أو يعني يحوج للكذب، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، رواه مسلم. ومن الكذب الأشد قبحا والأعظم إثما الكذب في الرؤيا بالنظر، لأن الرؤيا يعني رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وقال عليه الصلاة والسلام: من تحلم بحلم ولم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولم يفعل، رواه البخاري، ولن يفعل. وقال: أفرى الفرى أن يرى الرجل عينيه ما لم ترياه، رواه البخاري. ومن الكذب الأشد قبحا والأعظم إثما الكذب لإضحاك القوم، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، رواه الثلاثة وإسناده قوي كما قال ابن حجر في بلوغ المرام. ومما يوقع في الكذب أن يحدث المسلم بكل ما سمع ويرويه، قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله واحذروا ما حذركم الله منه مما هو شر ومدعاة لأنواع الشر، احذروا أن تؤردوا أنفسكم بالكذب للعنة وغضبه للعنة الله وغضبه وعقابه، وتفوت عليها به ما تتمناه من رحمة الله ورضاه وثوابه، ذلك بمجانبة الكذب المحرم بأنواعه والتزام الصدق بأنواعه: الصدق في الاعتقاد، والصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، تفوز وتسعد بما وعد الله به أهل الصدق، في مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ويكثر بعض الناس الكذب الصريح بدون حاجة وبدون تورية أو تأول عند الحاجة بدعوى الترخيص، بدعوى الترخيص فيه لمصلحة ولا ترخيص فيه لما سمعتم من النصوص بغيرها إلا ما استثناه منها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه. وفي رواية مسلم والنسائي ولم أسمعه تقوله رواية الحديث، يعني يرخص في شيء مما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث، يعني وجاءت يعني الثلاث مفسرة بحديث الترمذي وغيره، لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يعني تحدث الرجل يعني تحدث الرجل لامرأته ليرضيها، والكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، وفي الحرب قول محمد بن مسلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، إذن لي أن أقول. وقصة الحجاج بن علاط في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء، كما هو موجود في فتح الباري. وقد ترخص بعض الناس في هذه الأيام بركوب أنواع المنكرات باختياره دون إكراه بدعوى التمويه على العدو والتعمية عليه، بحيث أنه لا يظن في من كان هذا حاله أنه من أهل الديانة والتقوى، فلا ينصرف إليه من تركيز البحث والتحري والملاحقة ما ينصرف إلى ما هو معلوم ظاهرا وباطنا أنه من أهل الديانة والطاعة. وهنا لا بد من بيان أن الفرق بين التقية، ما يسميه الناس اليوم التقية يعني، والنفاق، يعني فرق كبير بينهما، يعني التقية والنفاق يعني شيئان اثنان مختلفان، يعني وأن البعض قد وقع في النفاق حقا وهو يتأوله على أنه تقية. فمن أجل هذا لابد من الفرق بين التقية والنفاق، ومتى يجوز استعمال التقية، وما شروط ذلك، وما حدود يعني الأفعال المرخص فيها. يعني يقول تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والتقاه ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا النفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه إذا لم يكن يستطع أن يظهره ظاهرا. فهذا يعني فيه فرق كبير بين التقية وبين النفاق، وليس كما يفعله الرافضة، يعني هم يستعملون التقية مع المسلمين فيعني يكتمون عقيدتهم الباطلة، فربما يعني يكتمون سب الأصحاب، سب الصحابة يكتمونه أمام السنيين، فلا يسبون الصحابة أمام أهل السنة. وكذلك مثلا ربما يخفون بعض اعتقاداتهم الكفرية أمام أهل السنة، ولكن بين أنفسهم يظهرونها، وهذا لا شك أنه من النفاق. وكذلك من التقية المحرمة ما يوجد الآن عند الخوارج، فيخفون عقيدتهم ويكذبون على الناس وعلى الكفار، ويظهرون الباطل ويخفون الحق ويظهرون خلاف الحقيقة، ثم يقولون هذه تقية. يعني لا شك أن هذا نفاق وليس من التقية في شيء، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، approchez-vous un peu. Alhamdulillah. Le sujet de cette khutbah, c'est au sujet du mensonge, qui fait partie des péchés parmi les plus grands péchés dans l'islam. Un des plus grands péchés parmi les péchés que quelqu'un peut commettre dans l'islam. Un des péchés qui éloigne le musulman de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans plusieurs versets dans le Coran qu'il a maudit les menteurs. Comme dans le verset au sujet de Al-Mubahala, il dit ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. La malédiction sur les menteurs. De même que dans le verset au sujet de Al-Mula'ana. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ, c'est-à-dire que périssent les menteurs. Et il mentionne que ceux qui mentent, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne les guide pas. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mensonge amène à la perversité et la perversité amène au feu. Et l'homme continuera à mentir et à se forcer à mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné également comme les caractéristiques de l'hypocrite le mensonge. Il a dit à propos de l'hypocrite ou des caractéristiques de l'hypocrite, il a mentionné trois caractéristiques, puis il a dit « Il a hadatha kadab » et il a dit donc que ça fait partie du nifaq. Donc c'est des caractéristiques très graves et très dangereuses. Et donc il faut faire attention à ça. Et il faut comprendre également que le mensonge, il est en différents degrés. C'est pas tous les mensonges qui sont au même degré. Parmi les exemples des plus graves, parmi les exemples les plus graves qui ont rapport avec le mensonge, c'est le fait de mentir à propos d'Allah et à propos de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il n'y a pas de doute que celui qui ment à propos d'Allah et de son messager, ça c'est parmi les menaces les plus sévères et les choses les plus graves. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la personne qui ment à propos de lui, eh bien c'est la personne qui est la plus injuste. On dit فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est plus injuste que quelqu'un qui ment à propos d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ment à propos de moi, c'est pas comme s'il mentait à propos de quelqu'un d'autre ou des paroles de quelqu'un d'autre. Celui qui ment à propos de moi, c'est comme s'il a préparé son siège en enfer. Donc ça c'est très très grave. Et il y a aussi parmi les exemples de mensonges qui sont parmi les plus graves aussi, le fait de mentir à propos de la religion d'Allah ou de parler à propos de la religion d'Allah sans science. Par exemple, tu dis à propos de la religion d'Allah, ceci est halal, ou ceci est haram, ou ceci est sunnah, ou ceci est bid'ah, mais tu n'as aucune preuve et tu parles sans référence. Et donc ça c'est très très dangereux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَقْفُمَ عَلَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ » C'est-à-dire, ne cherche pas ce dont tu n'as aucune science. Et il mentionne aussi parmi les crimes, après avoir mentionné le shirk, il dit وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, en voulant dire que même le fait de dire à propos d'Allah ce dont on n'a aucune science, ça va être dans le degré qui est juste après le shirk. Donc c'est plus grave encore que le shirk, puisque beaucoup d'exemples de shirk et d'associations dans l'adoration, qu'est-ce qui se passe dans le monde lorsque des gens adorent d'autres que Allah et qu'ils font du shirk avec Allah dans la religion, eh bien souvent c'est à cause des gens qui ont menti à propos d'Allah. Et à cause de ça, ils commencent à faire du shirk. Et donc ça c'est pour montrer en fait la gravité de mentir à propos d'Allah ou de parler à propos de la religion d'Allah sans science. Aussi parmi les formes de mensonges qui sont très graves, c'est le fait de mentir à propos des ulama de l'islam. Tu dis à propos des ulama et des savants de l'islam ce qu'ils n'ont pas dit. Tu dis tel savant il a dit telle chose, ou tel savant il a donné telle fatwa, alors qu'en réalité le cheikh il n'a jamais dit ça. Et ça c'est grave parce qu'en même temps tu mens aussi à propos de la religion d'Allah, puisque les ulama sont ceux qui transmettent pour nous la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est très grave. Et aussi parmi les exemples de mensonges qui sont aussi très très dangereuses, c'est quelqu'un qui ment à propos de la religion, ou bien non, disons qu'il ment, mais dans le but de rendre, de se permettre de faire quelque chose qui est mauvais, ou de faire un péché. Donc il ment pour arriver à faire un péché. Donc ça c'est également très grave. Quelqu'un qui ment aussi à propos de, par exemple, un songe qu'il a eu. Il a vu un songe, ou une vision, ou quelque chose, puis en réalité il ne l'a pas vu, mais il prétend qu'il l'a vu. Il dit, j'ai vu dans un rêve telle chose, et puis ce n'est pas vrai. Peut-être même il va dire, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité il ne l'a pas vu. Mais il dit ça juste pour impressionner les gens, pour attirer les gens. Et ça tu le retrouves souvent chez les chouyours, des turcs soufis. Ils disent qu'ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est même pas vrai. Et ils inventent des mensonges à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils déforment la religion d'Allah, puis ils disent, oui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit ça dans un rêve. Et c'est pas vrai du tout. Donc ça c'est très très grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des menaces à propos des gens qui agissent de cette façon. Aussi parmi les formes de mensonges qui sont graves, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là que c'est quelque chose qui est grave, la personne qui ment pour faire rire les gens. Comme c'est, qu'est-ce qu'on retrouve de la part de certains comédiens, ou certains qui veulent y faire rire le monde, alors ils commencent à inventer des mensonges, ou à inventer des histoires pour faire rire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à lui, celui qui raconte des mensonges pour faire rire les gens. Donc si tu veux faire rire les gens, mais au moins fais-les rire par quelque chose qui est vrai. Et dis quelque chose de vrai, mais fais-leur pas rire par des mensonges. Et également, donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire aussi parmi les dangers du mensonge. Et aussi à propos des mérites du fait d'être véridique, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les véridiques et les gens véridiques. Et aussi il y a par exemple des gens qui parfois essayent de se justifier certaines choses qu'ils font en disant que oui, on a le droit de mentir dans certaines choses, donc ils veulent élargir les domaines ou les choses dans lesquelles on a le droit de mentir ou qu'on aurait le droit de mentir dans certains cas pour un bienfait quelconque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué clairement les exemples dans lesquels il est permis de mentir, et il a dit, c'est lorsque, par exemple, un homme va dire quelque chose à sa femme pour la satisfaire, ou pour qu'elle soit satisfaite de lui, il va lui dire un mensonge. Mais pas, il ne va pas déformer la vérité, il ne va pas dire quelque chose qui est faux et dire que c'est vrai, ou prendre quelque chose qui est vrai puis dire que c'est faux, mais il va dire quelque chose pour qu'elle soit contente, qu'elle soit satisfaite, ou pour ne pas l'attrister. Hein? Parce qu'il y a un bienfait là-dedans. De même que le fait de mentir dans la guerre, ça fait partie des stratégies militaires. Hein, et ça, c'est des choses qui sont permises. Et bien entendu, encore une fois, ce n'est pas de déformer la réalité de la religion. On n'a pas le droit de mentir à propos d'Allah et de son messager ou de l'islam. Hein, même dans la guerre, on doit toujours dire la vérité. Mais dans les questions qui ont rapport avec la guerre, des stratégies militaires et des raisons comme ça, oui, c'est permis dans ces cas-là. Aussi, qu'est-ce qui est permis de mentir, c'est quand tu veux réconcilier entre deux personnes qui sont fâchées. Donc, tu vas aller voir quelqu'un, tu lui dis, par exemple, s'il est fâché avec un autre, tu lui dis, il m'a dit beaucoup de bien de toi, puis il s'ennuie de toi, il pense... il parle de toi toujours et il aimerait ça te rencontrer, te voir. Donc tu essaies de réconcilier et tu vas voir l'autre personne aussi, tu lui dis ça pour que les deux se rapprochent, pour qu'ils cessent d'être en colère les uns les autres. Parce que si tu vas le voir puis tu vas lui dire l'autre il t'a insulté, il a dit du mal de toi, ça va augmenter la discorde et la dispute, et là ça va être encore pire. Donc, de mentir pour réconcilier deux personnes, ça c'est quelque chose de bien. Et c'est permis. Et il y a une chose aussi qu'il faut faire la différence entre certains qui parfois disent qu'ils font qu'est-ce qu'ils appellent la taqiyya. Et ça on l'entend de plus en plus maintenant. Et eux, les non-musulmans, parfois ils disent ça. Disent, vous, dans votre religion, vous mentez aux non-musulmans, vous utilisez la taqiyya. La taqiyya, ça ne veut pas dire l'hypocrisie ou le mensonge ou déformer la vérité. Taqiyya, ça veut dire, si par exemple un musulman est dans une situation où on va le tuer s'il montre sa religion. Donc il est dans une situation de contrainte. Comme l'exemple de Ammar ibn Yasir, lorsqu'on lui a ordonné de dire quelque chose, et que s'il ne le disait pas, ils allaient le tuer, les mouchriquins allaient le tuer. Donc il a dit, soit il a dit quelque chose contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou contre la religion, et les mouchriquins l'ont laissé partir. Et après il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au messager d'Allah, j'ai dit telle ou telle parole contre l'islam. Il a dit, lorsque tu l'as dit, est-ce que dans ton cœur tu étais en paix, tu avais la foi? Il a dit oui. Il a dit, s'il te reprend, il t'attrape encore une fois, puis il te force à dire ça encore, redis-le. Pourquoi? Parce que ça c'est dans les situations de contrainte. Et dans les situations de contrainte, la personne est excusée lorsqu'elle dit des paroles de kufr ou des paroles qui sont contraires à l'islam. Mais dans les situations où il n'y a pas de contrainte, et lorsque le musulman est en sécurité, il n'a pas le droit de déformer la réalité de l'islam ou de mentir sur la religion pour tromper les non-musulmans ou pour leur dire le contraire de la vérité ou dire le contraire de ce qu'il a dans son cœur. Ça c'est de l'hypocrisie et c'est du mensonge et c'est pas permis. Et on retrouve ces exemples d'attitude chez les rafidah, chez les shia rafidah. Ils agissent comme ça avec les gens de la sunna. Parfois ils sont avec des musulmans de la sunna, ils vont dire avec les musulmans qui sont sur la sunna, les sunnis, on va pas insulter les sahaba devant eux, mais en privé on va insulter les sahaba. Ça c'est de l'hypocrisie, ça c'est du nifaq. Tu caches la vérité, tu montres le faux. Tu montres dans le sens que eux ils cachent leur fausse croyance pour se faire accepter ou tromper les gens de la sunna. Ou parfois ils veulent essayer d'appeler les gens de la sunna à devenir shia ou à rentrer dans leur secte ou dans leur religion. Alors ils vont faire croire aux gens de la sunna qu'ils aiment les sahaba alors qu'en réalité ils les détestent et ils les insultent. Donc ils trompent les gens en mentant et en déformant la réalité. La même chose aussi chez les khawarij et les takfiriens aujourd'hui, comme les gens de Daesh et Al-Qaïda, les gens qui font le terrorisme. Ils vont chez les non-musulmans et parfois tu les vois, ils vont montrer que c'est des gens qui ne pratiquent pas la religion, ils rasent leur barbe, ils boivent de l'alcool, ils vont voir des femmes, ils font des choses haram pour dire nous on veut tromper les non-musulmans. On veut leur faire croire qu'on n'est pas des religieux, puis après ça on va faire des attentats terroristes. Ça fait partie du nifaq, ça fait aussi partie de l'hypocrisie et ça fait partie des choses qui sont contraires à l'islam aussi. Donc, taqiyya, ça n'a rien à voir avec ça. Ces gens-là, ils ne font pas ça sous la contrainte. Et il y a plein d'autres exemples comme ça qu'on pourrait expliquer pour montrer que dans l'islam, il n'y a pas qu'est-ce que ces gens-là prétendent de taqiyya ou des choses de ce genre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حد بين المناكب والأقدام تراصوا. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم